On raconte à Ponte de Mé que, étant l'une des frères d'Andrade, les gardiens du château, est tombé amoureux d'une fille nommée Elvira, maîtresse de Monsieur d'Andrade. Les gardiens ne purent empêcher Elvira de préférer Moreau, l'homme de poche de Monsieur d'Andrade, et commence à kidnapper les couples des deux amants et les enfermer dans une dépendance de la tour du château d'Andrade, à laquelle personne d'autre ne pouvait accéder. Les seigneurs de Ponte de Mé, alarmés par la disparition, cherchèrent pendant plusieurs jours dans la ville, dans les paroisses, à Fragas de Mé, dans les forêts de Brayamont, mais toutes les tentatives étaient un échec. Les gardiens ont convaincu que les amants s'étaient enfuis ensemble très loin et qu'ils devraient accepter avec résignation de ne plus les revoir. Les deux garçons restèrent enchaînés pendant de longs mois dans la cellule sombre et solitaire dans laquelle ils avaient été enfermés. Et les domestiques du gardien muet leur apportaient chaque jour à manger. La seule consolation pour les amoureux était qu'ils étaient ensemble. Un jour, alors que les fidèles serviteurs lui apportaient le déjeuner, Mauro essaie d'échapper et de libérer aussi Elvira. Les gardiens, pour se venger, décident de laisser les amants mourir de faim. Après plusieurs mois et déjà sur son lit de mort, les gardiens avouent tout. Lorsqu'ils arrivèrent à la cellule du château d'Andrade, ils trouvèrent leur cadavre.